Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Paris Match, l'album des Français. C'est pas la mort qui est intéressant, c'est pas le moribond, c'est pas du voyeurisme, c'est l'aventure d'une vie, c'est un destin, c'est ça qui intéresse les gens. Pourquoi il a fait ce parcours? Pourquoi Piaf a fait ce parcours? Pourquoi Kennedy a fait ce parcours? C'est ça qui passionne le public. Semaine après semaine, Paris Match nous présente depuis des décennies déjà le parcours des gens riches et célèbres, comme vient de le dire Roger Théron, qui a dirigé le Paris Match de 1950 à 1999. Mais Paris Match, c'est aussi le témoin de son époque et le magazine va se distinguer au fil du temps avec la couverture qu'il fera de grands conflits armés, ces grands conflits armés qui vont secouer le monde. Si vous allez flâner sur les quais, si vous allez voir les bouquinistes de la Seine, si vous allez au marché aux puces, vous verrez qu'un numéro de Paris Match, des années 60, par exemple de la guerre d'Algérie, ou des années 50, de la guerre d'Indochine, est vendu couramment 20 francs français pièce, 30 francs pièce. Ce sont des pièces de musée en quelque sorte. Et c'est une leçon que nous pouvons retenir, les gens veulent conserver ce qui les a touchés et ce qui les a émus. Et c'est un peu la force de Paris Match de restituer chaque semaine les grands événements qui passent trop vite à la télévision. Paris Match, c'était, grâce à ses photos, la télévision avant la télévision. C'est aussi un grand livre d'histoire. Extrait d'un reportage sur l'histoire de Paris Match en 1974 et juste avant, l'ancien chef du service de rédaction de Paris Match, Patrick Mahé, au micro de Charles Emerson en 1983, pour faire l'histoire du Paris Match, son directeur de la rédaction, Olivier Royan. Olivier Royan, bonjour. Bonjour. Ce que vous venez d'entendre, ça correspond à peu près à l'idée que vous faites du match, la télévision avant la télévision, un grand livre d'histoire. Si vous aviez à le résumer, cet esprit Paris Match. Cet esprit, d'abord, c'est un ovni, Paris Match. C'est un journal, c'est une marque qui ne ressemble à aucune autre. Alors, ça vient peut-être de la particularité française. En le créant dans les années 50, avec Roger Théron, Gaston Bonheur, il crée un magazine qu'on ne peut pas abandonner dans le train. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est un objet particulier. Ouais. Un magazine qui naît dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France va mal en 49. Il y a encore des tickets de rationnement, la pauvreté. Et il y a ces gars sortis de la Seconde Guerre. Alors, ils sont pas très diplômés, ils sont pas grands universitaires, mais ils ont une formidable enthousiasme journalistique. Mmh. Ils ont envie de parler de l'humain, ils ont envie de parler de l'émotion. Et finalement, on se rend compte que ils disent peut-être que le seul état où l'être humain ne ment pas, c'est l'émotion. Et on va traiter la grande histoire, la petite histoire, les grands héros, les petits héros. Et on va faire ce magazine enthousiaste et qui ne désespère pas de la vie. Roger Théron, je suis très ému d'entendre sa voix. Ça a été mon mentor, ça a été quelqu'un qui a énormément marqué pour nous. Il disait, Paris Match, c'est pas la vie rêvée, c'est la vie telle qu'elle est. Ouais. Et finalement, peut-être qu'une des meilleures définitions du journalisme, même aujourd'hui, c'est que le journalisme, c'est la vie. Et ça a été ça depuis le tout début, donc, parce qu'effectivement, on entendait Roger Théron, vous en êtes complètement là. C'est le destin, c'est le parcours, c'est ça qui intéresse les gens. Absolument, et c'est le destin, c'est temps fort de la vie. Le journal, depuis le début, c'est pour ça qu'on est extrêmement fidèle aux pionniers. On a beaucoup de respect pour ces pionniers, comme les Américains ont du respect pour leurs pères fondateurs ou que chaque pays a du respect pour... On a beaucoup de respect pour ces pères fondateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'une certaine manière dans le vrai, parce qu'ils vont toucher à l'information factuelle, le fait. On est tellement dans l'idéologie, tellement dans le combat idéologique. Non, là, on va parler au cœur des gens. Et on va parler au cœur des gens et on va essayer de raconter leur destin, c'est-à-dire à travers des moments vrais de l'existence. Ça monte, ça descend. On naît, on vit, on se marie, on divorce, on a des enfants. Et finalement, le destin du monde, c'est ça. Avec les grandes montées, les grands bonheurs et puis aussi les grands malheurs, ce qui font les contrastes de l'aventure humaine. Et en l'illustrant, ce destin, en l'illustrant, cette aventure humaine, on en parlera tout au cours de l'émission, mais déjà un premier mot sur l'importance de l'image, de la photo pour Paris Match. Ce qui n'est pas évident dans un pays qui est obsédé par le texte. C'est vrai. Et par la littérature. C'est-à-dire qu'ils sortent de la guerre et là, on va faire parler les images. On a l'habitude de faire à Match une différence entre la photo d'illustration, c'est la photo que vous mettez au milieu d'un texte, et la photo d'information. Ils découvrent, alors à la faveur de leurs grands aînés que sont Time et Life, la photo d'information. On va mettre cette photo en double page et on va la faire parler. On va la faire parler avec un titre, on va la faire parler avec un surtitre, on va lui rajouter une légende. Et tout d'un coup, ça va devenir presque une, c'est vrai, presque un écran de télé, ça va devenir la magie de l'image fixe. Et ça, c'est une grande modernité encore. Parce que l'image, c'est quoi aujourd'hui? C'est le langage universel. C'est comme ça qu'on parle sur Instagram, c'est comme ça que les adolescents, que même nous, nous partageons des moments de vie, c'est à travers l'image. Et en fait, le pouvoir évocateur de l'image, le pouvoir d'information de l'image, c'est ça, un peu la base, le fondement de Match. Ouais. Vous parlez beaucoup de 49, de l'après-guerre. C'est vrai que c'est probablement le vrai départ. Mais il y a quelque chose juste avant, puis revenons-y tout de suite. Les débuts, les vrais débuts, c'est avant la guerre, c'est 1938. On évoquait Life un peu plus tôt. L'intention au départ, quelle était l'intention de ce premier Paris Match de 38? Un extrait, à nouveau Patrick Mahé, qui en parle à l'émission Grand Magazine en 1983 et qui compare justement cette inspiration du début, le magazine américain Life et Paris Match. Life et Paris Match, si vous les comparez, si vous les mettez l'un par rapport à l'autre, sont tout à fait différents. Je dirais que Paris Match est plus davantage développé le choc des photos que Life. Et il me semble que notre journal a une certaine densité qui a fait son renom et que Life développe davantage de sujets de prestige un peu intemporels, alors que nous restons davantage, nous, à Paris Match, sur l'actualité, sur les hauts faits de l'actualité. Alors, il y a ça au départ, dans cette première mouture en 1938. D'abord, il est créé dans quel contexte, ce journal, ce magazine en 1938? C'est l'avatar, j'allais dire, d'un magazine de sport qui s'appelle Match. Créé par Léon Bilbao dans les années 33. C'est un magazine qui commence par courir le Tour de France et ça devient un magazine d'actualité en 38 quand il est racheté par Jean Prouveau. Et là, Jean Prouveau, je pense qu'il a envie d'imiter les Américains. Ouais. Il a envie de faire un Life à la française ou un Time à la française. Mais ce qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Et on va se rendre compte, surtout d'un point de vue historique, que les années 30 sont des années absolument glorieuses pour les magazines. Ils inventent tout. Ils inventent presque l'infographie, ils inventent tout, la photographie, la façon de la mise en page, les typographies. Vous prenez les couvertures de Vogue des années 20, des années 30, sont extraordinaires. Vogue Paris, par exemple. Mm-hmm. Paris Match, c'est pareil. Et là, Match va y mettre un peu, j'allais dire, un esprit français là-dedans. C'est que par rapport à Life, c'est vrai qu'on va rentrer dans la... Alors, les photos sont montées en double page ou elles sont montées sur des pleines pages et on va faire parler ces images. Et il y a quelque chose d'assez incroyable quand je relis ces numéros des années 38-39, c'est la montée de la guerre. La montée, par exemple, de cette bête qu'est le nazisme. Et on a une curiosité. Il y a des rendez-vous même avec Hitler. Alors, on n'est pas dupes. Hein. Il nous apparaît comme un fou furieux. Mais en revanche, on va en Allemagne faire des reportages sur la montée du nazisme. Et il y a cette rubrique qui s'appelle le match de la guerre. La guerre arrive en France. Alors, on la couvre dans la tradition du journal dès, je dis nous. Alors que on n'est même pas né. Mais je dis nous parce que la filiation est là. On va couvrir la guerre des deux côtés. On va la couvrir dès le début. On va montrer les. Évidemment, il y a un côté cocardier avec la France. Et puis, il y a le côté, on couvre la guerre des deux côtés. Mmh. On va montrer les troupes allemandes. On va montrer la montée du nazisme, l'organisation de cette machine de guerre allemande. Et ça restera ça. Dans toutes les guerres que l'on va couvrir, on sera des deux côtés. Et vous couvrirez énormément de guerres. On va y revenir dans quelques minutes. Mais comment vous expliquiez, Olivier Royan, que c'est vrai que Match couvre ces grands conflits, est témoin de son époque, témoin de son temps, que c'est sérieux Paris Match. Mais pourtant, encore aujourd'hui, il y a beaucoup cette impression de la couverture du match, de ces gens riches et célèbres, d'une certaine légèreté. Comment vous expliquez ça? Eh bien, je l'explique encore historiquement par la leçon des aînés. C'est-à-dire qu'en 49, quand ils lancent ce journal, c'est très difficile les premiers mois. Très difficile parce qu'ils commencent à faire des coups. La première couverture, elle est tellement difficile à faire qu'ils la coupent en quatre. Il y a Churchill, il y a un bout de Churchill, il y a un bout du pont aérien de Berlin. Une femme inconnue qu'on n'a jamais retrouvée, et puis la quatrième image, c'est encore de l'actualité diplomatique. Pendant les premiers mois, il reste sur l'actualité diplomatique. Ouais. La guerre. On en a marre de la guerre. Le pays vient de passer 10 ans de guerre. Dans les kiosques, ça ne se vend pas. On n'arrive pas à retrouver le dynamisme de vente des années 30. Et quelques mois après, mariage de Rita Hayworth avec l'aga Khan. Et alors là, on change l'affiche du film. Au lieu de mettre de la guerre dans l'affiche du film, on garde la guerre à l'intérieur, mais on change même le logo, on le met en jaune. Mariage de Rita Hayworth avec l'aga Khan. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Alors la semaine suivante, ils disent, on va mettre une actrice pour voir comment ça fait. Eh bien, pareil, avec une jeune actrice, ça monte. On a dans les premiers numéros, le premier numéro avec Yves Montand, logo bleu, couverture bleue. Ouais. Et là, on se rend compte que finalement, l'affiche du film, Ça n'a pas besoin d'être la guerre. On peut faire la guerre toutes les semaines, mais ce n'est pas ça qui va aller chercher le plus grand nombre. Et ce côté populaire du journal, d'aller chercher le plus grand nombre, il lui faut une affiche du film qui soit accueillante. La couverture idéale, c'est quoi? La bonne couverture pour un Paris Match? Alors, la bonne couverture, c'est la couverture qui surprend. C'est l'audace, elle surprend. Alors évidemment, il y a la couverture, il y a l'événement qui efface tout. Le 11 septembre, ça écrase tout, ça efface tout, et c'est la couverture qui s'impose. Et à côté de ça, il y a des couvertures qui sont graphiquement intéressantes. Il y a un élément graphique, il faut une belle photo, il faut quelque chose qui parle. Et puis, Match, c'est pas simplement des personnalités en couverture. C'est ça qui rend l'exercice difficile, c'est qu'il faut l'histoire. Il y a environ un mois et demi, on a fait parler la femme d'Emmanuel Macron, qui est la coqueluche actuellement de la droite et de la gauche, ministre de l'économie, jeune ministre, qui a épousé une femme qui a plus de 20 ans de plus que lui. Ouais. Phénomène, curiosité. Mm-hmm. Bon, cette couverture, elle marche, elle a marché dans les kiosques, elle a été bien achetée, elle a été bien vendue, parce qu'il y a de la surprise. Ouais. Il y a quelque chose de... Donc le graphisme, en même temps, une semaine avant, il y avait Prince, avec une très belle photo de Prince, et là, il y a une émotion qui se fait autour de Prince, comme la couverture qu'on a faite avec David Bowie au mois de janvier. Ouais. Il faut un mélange de... Et Roger Théron avait l'habitude de dire, n'oubliez jamais, parce qu'il en fait des mauvaises, des couvertures aussi. Mm-hmm. Et la bonne couverture, c'est celle qu'on fait à l'instant où on doit la faire avec ce qu'on a. Et parfois, on n'a pas la bonne photo, parfois, on n'a pas le bon... Ce n'est jamais facile. Alors, parlons-en de... Non pas ce qui fait une bonne couverture, mais vous insistez beaucoup, il n'y a pas que la couverture, il y a ce qu'il y a dans tout le magazine. Qu'est-ce qui fera le succès de Paris Match? En disant tout de suite que, si on remonte le fil du temps, que vraiment... Donc, on comprend dès 49 qu'il faut être plus populaire, on a traversé cette guerre difficile et on trouve une recette. Ce sera l'âge d'or. Les années 50-60, c'est vraiment les belles années du magazine. Il repose sur plein de choses, le succès de Paris Match. D'abord, cet aspect-là, tout ce qui tourne autour de la monarchie. Monaco, les Anglais. Les Anglais. Pourquoi ça marche tant? Pourquoi ça marche tant? Parce que c'est un pays qui a coupé la tête du roi et qui reste profondément probablement monarchiste dans quelque part. Une nostalgie de la monarchie. C'est deux familles que sont les Monaco. Bon, Monaco, c'est un petit peu une production de Paris Match, puisque c'était un reporter de Paris Match qui présente à Grace Kelly le prince régné. Un jour à Cannes, Grace Kelly est invité du Festival de Cannes et il faut trouver une idée. Et alors, il trouve l'idée de présenter cette actrice. Mmh. À un prince qui est sur son rocher à 50 km de là. Et alors là, c'est le coup de foudre. Ils ne sont pas au courant tout à fait de ce qui s'est passé. Ils sont là, on a la photo des présentations. Ouais. Et puis on se rend compte qu'ils vont tomber amoureux. Donc c'est un peu... Monaco, c'est une sorte de famille royale de substitution pour les Français. Le record absolu de vente de matchs, c'est la visite de la reine Elisabeth en France, la jeune reine en 57. Ouais. Donc c'est quelque chose... La photo n'est pas extraordinaire. Elle est à l'Arc de Triomphe. Et puis c'est 2 millions d'œufs, c'est un chiffre record, c'est assez incroyable. Alors ce côté monarchiste, on voit aujourd'hui un peu ressurgir, les jeunes se sont décomplexés, il y a eu la période Diana avec la mort de Diana où là la monarchie avait un petit peu pris un coup, et aujourd'hui les jeunes affirment clairement qu'ils sont encore intéressés par les histoires de princesses parce que c'est une sorte d'ancrage dans la tradition. Ouais. C'est-à-dire tout passe, tout lasse aujourd'hui, et les monarchies continuent à affirmer la tradition, et finalement dans le public quelque part il y a une nostalgie de la tradition. Alors évidemment pour nous ce qui compte dans les familles royales c'est l'accès, c'est-à-dire qu'on va avoir accès au monégasque dans une première partie, après ils vont tout refermer. En tout cas dans les années 50-60 ils ouvrent le palais, ils Match les met sur la carte du monde. Grace Kelly, le prince régné, montre la naissance d'Albert, la naissance de Caroline, de Stéphanie, la famille unie. Donc c'est formidable d'un point de vue journalistique de pouvoir avoir accès. Ça, c'est le côté brillant, c'est le côté étincelant. Et puis, ce côté plus sombre, mais nécessaire et que vous allez couvrir de tout temps, ces grands conflits. On y revient. La photo aussi. Le photoreportage qui sera très, très important chez Match. Avec... une histoire triste, il y en aura d'autres d'ailleurs, mais la mort de Jean-Pierre Pedrazzini qui est en 56 en Hongrie, au cours de ces événements de Hongrie. Alors, cette mort, cette perte de Jean-Pierre Pedrazzini, Olivier Royan, c'est devenu mythique en quelque sorte au Match, mais ça montre le sérieux que vous mettez dans ces couvertures. Oui, et puis la guerre fait partie de la vie. Elle a énormément marqué la seconde partie du XXe siècle. Pedrazzini, c'est le premier homme que j'ai vu quand je suis arrivé à Match, puisqu'il y avait sa photo dans le couloir. Et quand je suis allé à Budapest inaugurer la statue de Pedrazzini, c'est un véritable héros national là-bas. C'est lui qui a fait les photos de la Révolution. Cette année, on a été contacté par le gouvernement hongrois parce qu'ils veulent faire un hommage à Pedrazzini, parce que c'est lui qui détient, à travers ses images, ses photos, l'histoire. Il n'y en a pas énormément d'autres, c'est lui qui a documenté ça. Donc il est vraiment, c'est le personnage, le reporter qui a documenté l'histoire autant en temps réel. La guerre, elle a été présente dans le journal, au Vietnam, elle a été présente pendant la guerre d'Algérie. Et puis il y a 5 ans, je me souviens de ce jeune, Rémi Hochelik, il avait couvert tout le printemps arabe. Rémi est rentré en Syrie, il a été tué. Ouais. Il a été tué 3 heures après. Et donc ça veut dire que c'est pas non plus une réalité lointaine. On avait une équipe en Syrie cette semaine, quand on a bouclé le journal il y a 2 jours. J'ai attendu d'être sûr qu'ils étaient passés en Turquie pour pouvoir publier le reportage. Ils ont pris des risques insensés. Donc ça fait partie de l'ADN ou de la promesse du journal, c'est que nous serons au cœur des conflits. Sachant qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'être au cœur des conflits puisqu'il y a des terrains où il est impossible d'aller. La Syrie, l'Irak en est un aujourd'hui, et qu'on est aujourd'hui, si vous ne pouvez pas envoyer des reporters sur les terrains de guerre, ça veut dire que vous êtes obligé d'utiliser des photos de propagande, et ça, c'est un constat d'échec. Ouais. On va avancer un peu, on va faire un grand bond en avant parce que le temps file rapidement, en signalant qu'il y aura quand même une petite traversée du désert entre 68 et 76. Daniel Filipacci reprend le journal en 76, relance un peu l'affaire. Ça tombe bien, c'est la mort de Mao. Ça aussi, ça fera partie de l'histoire de Paris Match, ces grands numéros consacrés à ces grands qui nous quittent. Et puis quelques controverses dont je veux qu'on parle quand même, qui vont amener un peu de croustillant à cette émission. Mais au-delà du croustillant, il y a des pistes de réflexion intéressantes dans les différentes affaires qu'on abordera ensemble. D'abord, Messrine. La photo, l'entrevue avec Jacques Messrine qui est publiée dans les pages du Match en 87. On va beaucoup vous reprocher à l'époque d'avoir donné la parole à cet assassin. Pourquoi c'est important de le faire? C'est important de le faire parce que... je pense que c'était le scoop, d'ailleurs, derrière lequel toute la presse française courait. Messrine ne se présentait pas comme un assassin. C'était ça, je pense que la différence, elle était là. C'est le scoop derrière tout le monde court. Et il y a cette idée qui est complexe à Match, même le dictateur a le droit de s'exprimer. Ouais. Même le bandit a le droit de s'exprimer. C'est dur à imaginer. Je me souviens d'avoir fait moi-même un reportage, une des dernières interviews avec le président Marcos, dictateur s'il en est devant l'éternel. Et Messrine, c'est un peu ça. D'abord, la photo est extraordinaire. Vous me parlez des couvertures tout à l'heure. Cette espèce de scénographie, de mise en scène de Messrine avec son masque, avec son pistolet, avec son revolver, etc. Je pense que c'est la France de la fin des années 70 où, en fait, on a le droit de montrer beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Le niveau de tolérance on a aujourd'hui un niveau de tolérance de la part des gens sur la photographie qui est beaucoup plus bas que ce que les gens acceptaient dans les années 50, dans les années 60. Et 70, c'est un coup de provocation. Je pense que le Match est bien marqué par les faits divers dans ces années-là. Hein, les faits divers ont beaucoup d'importance. On montre des choses assez crues, on montre des choses assez dures. Et ce scoop-là est le reflet du temps. On en a fait un film depuis. Ouais. Et la couverture de Match apparaît comme un élément historique du film qui est sorti sur Messrine. Donc ça fait peut-être partie des moments où Match prend des risques. Prend des risques de provoquer probablement la hiérarchie en place, le gouvernement en place. Le lecteur, parfois. Oui. Et ça fait partie aussi d'une attitude. C'est pas un journal sage. Si le journal est sage, il n'est pas dans son. C'est un peu cette phrase de Saint-Jean de Perse. C'est assez pour le poète d'être la mauvaise conscience de son temps. Je pense que c'est un journal qui a accepté d'être la mauvaise conscience de son temps, même s'il est consensuel. C'est ça le paradoxe finalement. C'est familial, c'est consensuel. On essaye d'avoir la droite, la gauche, tout le monde, l'album des Français. Et en même temps, on accepte d'être la mauvaise conscience. Autre controverse, vous allez vous en souvenir. L'affaire Mazarine, c'est la fille naturelle de François Mitterrand et cette fameuse photo publiée en 1994. On écoute d'abord un extrait de reportage de Michel Morin à l'époque, au moment de la publication de la photo. Elle a 20 ans et elle s'appelle Mazarine. C'est la fille secrète, la fille naturelle du président François Mitterrand, 78 ans. Jusqu'ici, les journalistes français l'avaient cachée au grand public. En publiant sa photo, Paris Match a en quelque sorte brisé la consigne. Parce qu'en France, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres grands pays, la vie privée des hommes politiques fait l'objet d'une sorte de tabou. Même si c'était un secret de polichinelle, les politiciens déjà aux prises avec un climat chargé de scandales ont regretté, déploré et dénoncé la publication des photos. Moi, je demeure très, très réservé sur tout ça. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à ce genre de choses. Je le déplore. Voilà. Contrairement à certains politiciens conservateurs, François Mitterrand n'avait jamais tenu de discours sur la fidélité conjugale. Donc, pas question ici de double langage, et la plupart des Français sont restés plutôt froids devant ce grand déballage. Ça regarde personne. C'est sa vie privée. Et puis, on n'a pas remué la boue comme ça. Bon, la vie privée des hommes politiques ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse plutôt leur projet politique pour la France. Et les gens, vous savez, ils disent oh « oui, c'est honteux, mais ils vont se précipiter au kiosque pour l'acheter, c'est ça ». Alors, Olivier Royan, est-ce que c'est ça la motivation, ce que la dame, en tout dernier, vient de nous dire, faire du bon chiffre, faire ils se sont ventes. Précipités au kiosque. Ouais. Ils se sont précipités au kiosque parce que c'était une histoire énorme. Ouais. Et vous parlez à Mazarine ces temps-ci, elle vous dira que sa naissance, c'est la couverture de match. Mais c'était pas rien. Est-ce que c'était pour faire un gros tirage, si c'était plus que ça? Parce que c'est, non, fond, c'était, je pense que d'abord, il faut bien savoir que là, d'un point de vue historique, c'est un moment où François Mitterrand veut mettre sa vie en ordre. Ouais. Il est mourant, il le sait, qu'il n'en a plus pour longtemps. Et il faut absolument qu'il officialise. Elle est son portée crachée. Elle est sa fille qu'il accompagne depuis des années. Il a un amour paternel extraordinaire pour Mazarine et il faut qu'il officialise. Alors, la photo, ils ont couru après le Mitterrand pendant des semaines pour réussir à avoir cette photo, parce que ce qui rend la photo possible, l'histoire possible, c'est que Mitterrand, à la sortie de ce restaurant, le Divelec, sur les Invalides, pose la main sur l'épaule de Mazarine. Et ça, Mitterrand était trop fort, trop bon en termes de médias pour ne pas savoir ce qu'il faisait. Et c'est ça qui rend la chose possible. Alors après, c'est vrai que ça brise un tabou. Mm-hmm. Ça brise un tabou, pourquoi? Parce qu'en France, d'abord... Vous le faisiez sciemment? Cette exception française que vous brisez à ce moment-là. Oui, je pense que Roger Théron le fait sciemment. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Mais il le fait sciemment en sachant que Mitterrand est d'accord. Je pense qu'il y a eu un dialogue par peut-être intermédiaire interposé. Et l'expression que Roger Théron utilisait, il disait que c'est pas le feu vert, c'est pas le feu rouge, c'est le feu orange. Ouais. Et il est passé au feu orange. Ouais. Et je pense que Mitterrand était soulagé derrière et que ça, c'est vrai que ça a brisé un tabou. Et des années après, on se rend compte que Mazarine a fait une grande carrière. Elle est aujourd'hui romancière, elle est à la télévision, à la radio. Et elle est née, elle est devenue aussi une fille de la France à ce moment-là. Olivier Royan, il aurait fallu faire une heure avec vous. Une dernière question en quelques mots. On se projette. Paris Match dans 10 ans. Moi, je pense qu'il y a 4400 magazines en France. Je ne pense pas que dans 10 ans, il en restera 4400. Mais je pense que l'édition print va rester. Elle va devenir quelque chose d'un peu luxueux. Elle va rester comme une expression très importante. Le papier a sa force. C'est un objet. Le magazine, c'est d'abord un objet. C'est un objet personnel. Alors après, nous, tout notre enjeu, c'est comment on se développe sur les nouveaux formats, sur les autres plateformes, en gardant notre déontologie journalistique, en gardant notre bonne pratique journalistique. La semaine dernière, sur Twitter, la matinée, le buzz a été créé par l'annonce de la mort du pilote Michael Schumacher. C'était faux. Il n'est pas mort, Michael Schumacher. Donc ça veut dire que tout le monde s'est agité autour d'une information fausse. Comment va-t-on réussir à engager les lecteurs, à faire en sorte qu'ils nous accompagnent sur du journalisme de qualité, sur du reportage, en s'adaptant aux nouveaux formats? Parce qu'évidemment, on ne s'exprime pas avec le même vocabulaire, avec les mêmes phrases sur ces nouvelles plateformes que sur le print. Olivier Royan, c'était un vrai plaisir de vous recevoir, directeur de la rédaction du Paris Match. Merci infiniment. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.